histoire de petite Lucette. Madame file comme une crevette, pressée un jour par le temps, s'y arrêta au coup de vent. Trouvant cette solution bien pratique, madame commence à y faire pique-nique. Et midi, avant le boulot, un petit tour, et puis McDo. McDo, c'est tout ce que j'ai, la papa papa. McDo, c'est tout ce que j'ai, pas la papa papa. Bonjour madame Lucette, ce midi c'est pareil, triple frites et puis un steak, bien huilé avec ketchup. Votre table est réservée, et ouais, tout le monde la connaissait. Une habitude prise par madame et remerciée des financiers, sacrifiant son corps à jamais, madame inconsciemment s'empirerait. McDo, c'est tout ce que j'aime, pas la papa paille. McDo, c'est tout ce que j'aime, pas la papa paille. Et sa veste ne pouvant plus fermer, accro malgré sa réalité, impossible d'y résister. Et cet hamburger trop gras, et ses sodas trop sucrés. Artère bouchée, cœur terrassé, Lucette, reviens aux crevettes. McDo, c'est tout ce que j'aime, pas la papa paille. McDo, c'est tout ce que j'aime.